troisième temps de notre série consacrée à l'héritage des guerres. Ce matin, l'héritage historique avec quatre auteurs de Une histoire de la guerre, 19e-20e siècle, aux éditions du Seuil. Après avoir écouté Masha Serovitch nous parler des partisans soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, lundi puis hier avoir réfléchi à l'obsession des guerres avec Jean-Yves Joanet et Jérôme Prieur, et avant-demain avec le documentaire d'Anaïs Quien et Séverine Cassard de nous plonger dans une guerre importante et pourtant souvent négligée, celle de Tchétchénie, nous recevons ce matin trois des directeurs et une auteure de l'ouvrage collectif Une histoire de la guerre au 19e et 20e siècle, publié aux éditions du Seuil, une synthèse impressionnante qui s'attache à décrire les mutations, et elles sont nombreuses, du phénomène guerrier depuis les guerres napoléoniennes. Avec nous Bruno Caban de la Ohio State University qui a dirigé cet ouvrage, Thomas Dodman de Columbia University, Hervé Mazurel, le maître de conférence à l'université de Bourgogne qui a co-dirigé également cet ouvrage, avec Jean Tempest qui ne sera pas avec nous et qui est journaliste à PBS, et avec nous Odile Roinette, une auteure, maîtresse de conférence à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Titre des années 70 en pleine guerre du Vietnam, un titre d'Edwin Starr pour commencer cette histoire de la guerre du 19e à nos jours sous la direction de Bruno Caban. Bonjour à vous Bruno Caban. Bonjour Manuel. Bonjour à Thomas Dodman également qui est avec nous. Bonjour Manuel. Hervé Mazurel, bonjour. Bonjour. Odile Roinette également. Bonjour. Et Anaïs Quien, bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour à tous. Pour ce troisième volet donc de notre série consacrée à l'héritage des guerres, j'ai dit en ouverture de cette émission que c'était une histoire modeste de la guerre. Ça fait quand même quoi, plus de 600 pages? Ça fait 6 ans de travail surtout. 6 ans de travail et une cinquantaine d'auteurs. C'est un ouvrage international qui est à la fois un ouvrage composé de nombreuses contributions d'auteurs américains et européens. Voilà, donc une sorte de point d'étape, je pense, aussi dans l'évolution de l'historiographie de la guerre qui a beaucoup changé depuis 30 ou 40 ans. Oui, et c'est une histoire de la guerre et pas l'histoire de la guerre. Absolument, parce que il s'agissait effectivement de faire une proposition, une narration particulière, thématique, non pas chronologique, et une narration qui aussi essaie d'ouvrir le champ de l'histoire de la guerre à au monde non occidental, avoir une histoire la plus globale possible, même si nous sommes bien conscients que c'est une sorte de point de fuite, c'est un projet qui va vers une histoire globale de la guerre, difficile en ce moment, difficile à faire, mais qui est, je pense, le projet pour les années à venir. Anaïs Quien. Oui, Bruno Caban, dans les années 80, d'après l'armée française, on a cru qu'on allait sortir à la fois de l'histoire et de la guerre également. visiblement, on s'est trompé. Et ce qui est frappant et qui habite les pages introductives de cette histoire de la guerre, c'est le changement de nature de la guerre après 1945, c'est-à-dire qu'on est sorti des guerres conventionnelles d'État contre État, pour passer à une guerre qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, on ne dit plus qu'on est en guerre, on ne déclare plus que très rarement la guerre. Oui, aussi, on dit souvent qu'on est en guerre, mais on le dit sans doute à tort aussi. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est en guerre alors qu'on n'est plus en situation de déclaration de guerre, par exemple. On n'a pas déclaré la guerre en France depuis 1939. Aux États-Unis, je crois que la dernière fois, c'était en 1942. Donc on est vraiment dans une situation où Il y a une sorte de tension entre les souvenirs, parce que ce sont des souvenirs familiaux aussi, c'est à deux générations près, deux, trois générations près, de mobilisation d'hommes et de femmes qui se retrouvent dans des gardes et d'hommes en armes et en uniforme. Voilà ce qu'est une mobilisation, la mobilisation de 14, ou même celle de la Deuxième Guerre mondiale, avec une situation actuelle qui est, qu'on appelle toujours guerre, mais qui ne ressemble plus du tout, naturellement, à celle que je viens de décrire. Et pourtant, Odile Roinette, on peut dire que cette guerre, au 19e et au 20e siècle, a forgé des sociétés, d'une certaine façon, qu'elle a modelé les corps, elle a modelé les personnes qui y ont contribué ou celles qui l'ont subi, d'une certaine façon, et elle est présente partout, mais elle est incorporée, et parfois, on ne la voit même plus. Oui, alors c'est vrai que c'est une des dimensions de l'ouvrage que de réfléchir au fond à ces processus de militarisation des sociétés à la fois occidentales et aussi, donc, comme vient de le dire Bruno Cabanne, des sociétés qui parfois adoptent les modèles occidentaux, que je prendrai l'exemple ici du Japon par exemple, hein, dès l'après 1870 qui adopte le modèle impérial allemand. Et donc c'est cette question des processus de militarisation. Alors il faut s'entendre aussi sur la définition du terme de militarisation, parce que voilà, c'est cette imbrigation progressive de deux sociétés, la société civile et la société militaire, ce qui ne veut pas forcément non plus dire que les civils adoptent les valeurs militaires, mais il y a cette imbrication avec tous ces phénomènes de rejet, de construction en miroir. Donc ce sont des processus complexes qui ne sont pas linéaires, qui également impliquent, et je pense que c'est une dimension importante de l'ouvrage, des circulations entre les pays, entre les modèles, entre les continents. Donc je crois que ça fait partie des dimensions de l'ouvrage. Oui, Hervé Mazurel, on peut dire que deux siècles, c'est court dans une histoire des guerres ou une histoire de la guerre, et pourtant ces deux siècles remplissent ces plus de 600-700 pages de cet ouvrage, parce que ce sont des siècles de profonds bouleversements, comme le disait tout à l'heure Anaïs Quin. Le livre s'ouvre au tournant du 18e et du 19e siècle, sur l'avènement des guerres révolutionnaires et des guerres napoléoniennes, à un moment de basculement complet du rapport à la guerre. On passe d'armées dynastiques et d'armées de mercenaires, surtout à l'époque de l'Ancien Régime, à des armées de citoyens-soldats, des phénomènes de mobilisation de masse, de mise sous l'uniforme de très nombreux hommes, de mobilisation de la société, aussi beaucoup plus importante qu'autrefois. La levée en masse en 1793 est vraiment un moment très important, hein, et donc une bascule totale. Et puis la figure du soldat aussi est devenue une figure sociale plus valorisée qu'autrefois. Le métier des armes est devenu valorisant, hein, il était associé sous l'Ancien Régime avant tout à la figure du mercenaire, et le soldat devient l'exemple même de la virilité moderne, de ce que Georges Mosset appelait la virilité moderne. Il faut avoir fait la guerre pour appartenir au monde des hommes vraiment hommes, et c'est un modèle qui va durer jusqu'à la moitié du XXe siècle, hein, après 1945, on assiste à une démilitarisation progressive, enfin après 1945, une démilitarisation progressive de nos sociétés, à une déprise de la guerre, hein, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, et qui rend le monde des combattants de plus en plus étranger au monde civil. Hein. Anaïs Quin. Oui, Thomas Donneman, vous avez co-dirigé cet ouvrage, Une histoire de la guerre, et vous signez un bel article d'ailleurs sur l'expérience émotionnelle de la guerre. Mais pour commencer, je voulais vous poser une autre question. On vient de décrire cette guerre qui est en retrait de la société civile de plus en plus depuis 1945. Et pourtant, elle est omniprésente. Là, je vais vous faire jouer le rôle de l'Américain à cette table, désolé. dans les programmes de télé mondiaux et particulièrement américains, on voit mettre en scène la police militaire, les contractants privés militaires aujourd'hui. Il y a une espèce d'omniprésence comme ça de l'expérience militaire, à la fois à l'arrière et sur les champs de bataille, si on peut encore parler de champs de bataille, qui est tout à fait obsédante et qui met en scène, qui représente et qui obsède par la guerre les sociétés du monde entier, quand on voit le taux de circulation de ces programmes télévisuels. Tout à fait, c'est une question qui replace un petit peu dans le long terme les deux siècles qu'on a couverts. Deux siècles, c'est long, mais c'est pas très long à l'échelle d'une histoire beaucoup plus profonde. On en revient aux mercenaires aujourd'hui, qu'on avait dans l'Ancien Régime, qu'on avait avant. Aujourd'hui, c'est une guerre de mercenaires, à vrai titre, en fait. C'est des compagnies, des sociétés privées auxquelles l'État donne le sale boulot de faire la guerre. Donc c'est, on en revient un petit peu à un modèle ancien par rapport à ça. Je rebondirai aussi sur ce que disait Odile tout à l'heure sur la question de des militarisations. Aujourd'hui, le monde militaire est en retrait par rapport au monde civil. Or, les forces de police sont tout à fait militarisées. C'est un problème qui se présente aux États-Unis de façon très concrète. L'État ne sait pas quoi faire de tout l'armement qu'il a commandé pour les guerres en Irak, en Afghanistan. Et ben, il s'en débarrasse en le revendant aux forces de police qui, du coup, se retrouvent avec des suréquipés. Suréquipés, et qui, du coup, entraînent des problèmes de société que l'on connaît très bien aux États-Unis avec les tensions raciales, les tensions. Et aussi dans le bloc de l'Est, d'ailleurs, parce que les stocks, militaires de l'ancienne Union soviétique ont aussi largement été redistribués de tout côté à fait. Et je pense aussi du coup à des questions d'actualité comme l'utilisation des drones, par exemple. Qu'est-ce que faire la guerre aujourd'hui quand on ne veut pas avoir des soldats qui meurent, que ce soit les nôtres ou les leurs. On fait une guerre ciblée, une guerre clinique qui passe très bien à la télé parce que c'est presque un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est fait par des personnes qui sont en pantoufles, en pyjama, dans un bunker, qui ont un joystick devant eux. On peut dire, Bruno Cabane, que cette histoire de la guerre, telle que vous l'avez conçue collectivement et dont vous êtes le directeur aux éditions du Seuil, est une histoire fortement teintée d'anthropologie historique et que c'est ce qui fait sa particularité. Vous ne vous attachez pas aux détails des batailles, il faut le dire à nos auditeurs, ils vont pas trouver là une histoire militaire. Il y a une belle chronologie quand même à la fin. Ça n'est pas le propre de cet ouvrage, c'est plutôt de comprendre ce que la guerre, comment les sociétés font la guerre et comment les sociétés sont faites par ces guerres. Oui, d'abord, ça vient de notre formation à tous. On est lié à cette évolution historiographique. Et ce qui nous a fondamentalement intéressé, c'est la question de l'invariant sur ces deux siècles. L'invariant, le rapport des combattants et des civils à l'espace, au temps de la guerre, l'expérience corporelle de la guerre. C'est aussi une forme de violence qu'on exerçait sur certains de nos auteurs, en leur demandant de sortir de leur domaine de spécialité. Oui, Odile Roinet, sur ces questions justement d'anthropologie historique. Oui, je crois que c'est vrai beaucoup de contributions dans cet ouvrage sont animées, je crois, par une autre façon de regarder la guerre, de regarder le fait guerrier. C'est une évolution historiographique effectivement qui se confirme depuis une vingtaine d'années, et en particulier, moi je dirais qu'il y a beaucoup de textes qui s'attachent à l'histoire des corps, à l'histoire de des psychés aussi, à cette dimension, depuis les travaux de John Keegan, c'est vrai, ce renouvellement aussi de l'histoire, une bataille à l'ancienne, hein, pour essayer de faire cette histoire par le bas de l'expérience de guerre. Thomas Dautmann. C'est aussi une façon de replacer des thématiques un petit peu vieille peut-être, un peu poussiéreuse, et de les resituer dans un nouveau contexte historiographique, de voir par exemple la question de la technologie du point de vue du corps, de voir les batailles, l'évolution des batailles du point de vue du soldat. Donc je pense que c'est le livre traite quand même de l'histoire militaire en proposant un regard un petit peu différent aussi, et c'est important de le dire, à partir de différentes historiographies, différentes traditions dans différents pays, parce qu'on a quand même 8 nationalités qui sont représentées dans le livre, donc c'est un point important. Oui, vous précisez bien, Hervé Mazurel, que dans votre chapitre Le corps à l'épreuve, qu'il y a là quelque chose qui, pour le chercheur, l'universitaire que vous êtes, est tout à fait exceptionnel. Vous avez travaillé depuis pas mal de temps avec d'autres sur la question du paroxysme, et effectivement ce qui vous intéresse, c'est ce paroxysme des guerres, paroxysme que l'on peut déjà voir dans les guerres napoléoniennes et leur suite, pourrait-on dire. Bien sûr, oui, il y a ce renversement dont on parlait tout à l'heure, hein, la façon dont John Keegan nous a amené à regarder la guerre d'en bas, d'essayer de se mettre dans l'œil du combattant, une histoire au ras du sol, à fleur de peau pour retrouver vraiment voilà le vécu sensible du combattant et notamment l'expérience de la violence paroxystique du champ de bataille. À ce sens-là, on peut rien comprendre aux logiques comportementales sur un champ de bataille si on la regarde de trop haut. On comprend par exemple que les fusils ne sont pas les mêmes au début et à la fin du 19e siècle, que donc, les balles ne sont pas les mêmes, qu'elles ne pénètrent pas de la même façon les corps, que les obus font disparaître les corps alors qu'auparavant ça n'était pas le cas, etc. Absolument. Etc. Hein, là, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est avec l'évolution technologique, c'est les atteintes portées au corps. Et donc, quand par exemple la balle, à la fin du 19e siècle, dans les années plutôt 1860, la balle ronde est remplacée progressivement par la balle conique, beaucoup plus rapide et vulnérante, hein, et qui, du coup, elle fait exploser les os des soldats avec un effet de souffle très fort. Ça change complètement l'expérience du champ de bataille et même les peurs, les peurs diffèrent, ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Anaïs Kien. Oui, dans cette histoire massive, puisque deux siècles malgré tout, c'est assez long, et puis ce sont deux siècles qui ont été largement labourés par les différentes guerres. Hervé Mazurel, lorsqu'on s'affronte à ce livre, on rencontre quelque chose qui nous intrigue et puis surtout qui nous parle très fort. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des engagés volontaires armés, plutôt pour la guerre d'indépendance grecque dans les années 1820, et pourtant cette question de l'engagement volontaire armé et de l'ennui de certaines classes d'âge dans les sociétés en paix, c'est-à-dire que la paix c'est l'ennui, et sortir de cet ennui-là c'est chercher un autre moteur, une autre cause, et très souvent... C'est la guerre. Finalement, on n'a pas inventé d'autres moteurs. c'est la question de la séduction de la guerre, de l'attractivité, de la fascination de la guerre. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de mal à la comprendre, même si le djihadisme l'engagement djihadiste nous rappelle quelque chose d'autrefois. Mais il est une époque où la guerre était belle et glorieuse avant d'être cruelle, sordide, absurde, comme elle l'est généralement pour nous aujourd'hui. Il y a une beauté de la guerre au 19e siècle. Hein, et donc la jeunesse romantique, notamment quand les champs de bataille, quand il y a une disparition des champs de bataille en Europe en 1815 après Waterloo, la jeunesse romantique est en mal de guerre. Lisez les premières pages des Confessions d'un enfant du siècle de Musset. Et donc vous avez des jeunes qui partent à travers le monde pour chercher cette épreuve de la guerre, ce rite de passage à l'âge d'homme, et parce qu'il y a un besoin, une frustration des Russes, il y a un besoin de tutoyer l'héroïsme paternel en quelque sorte. Mm-hmm. Odile Loinette. Oui, alors en même temps, on peut aussi, pour prolonger ce que vient de dire Hervé Mazurel, dire que la guerre c'est l'ennui. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie considérablement. C'est même le lieu de la nostalgie, de la patrie perdue. Là, Thomas Donman pourra en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'il vient d'écrire un livre sur cette question. Mais c'est vrai que cette question de l'attente permanente, et aussi d'ailleurs de la peur démultipliée dans l'attente, hein, donc de toutes ces émotions qui sont liées à l'attente. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que, à côté de cette fascination pour la guerre, effectivement, se construit aussi un contre-discours qui est le discours pacifiste, le discours de retrait justement par rapport à cet engagement guerrier, et aussi la question de la Grande Guerre, parce que la Grande Guerre, elle démonétise de manière complète ou quasi complète ce mythe de la belle guerre héroïque. Donc voilà, c'est complexe, ça joue dans les deux sens. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Pourquoi donc irais-je encore à la guerre? Après ce que j'ai vu, avec ce que je sais, où sont-ils à présent les héros de naguère? Ils sont allés trop loin, chercher la vérité. Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent. Tant de fois le cœur gros, je les ai vus passer. Elles berçaient pour moi des rêveries anciennes, illusions d'un enfant dont il n'est rien resté. Les fleurs de ce printemps se fanent sur les tombes de tous ceux qui jamais ne reverront l'été. Sur leurs noms inconnus, le silence retombe. Nul ne saura plus rien de ce qu'ils ont été. Toutes les fleurs sont mortes aux fusils de nos pères. bleuets, coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez. L'amour et la guerre, un titre de Charles Aznavour qui, rappelons-le, date de 1960 en pleine guerre d'Algérie. Bruno Cabanne, une des questions posées par cette chanson, c'est où sont-ils à présent les héros de naguère? Et c'est une vraie question qui est présente dans tout votre ouvrage, donc une histoire de la guerre au 19e et 20e siècle, puisqu'effectivement ce que nous était décrit tout à l'heure par Hervé Mazurel, cet héroïsme combattant, ces hommes debout, tels que le décrit aussi, les décrit également Odile Roinette, eh bien ils vont se coucher dans la boue pendant la guerre de 14, ils vont avoir peur tout le temps, ils vont être dans une situation où cet héroïsme combattant va être battu en brèche, Bruno Cabanne. Oui, le grand tournant, c'est naturellement, comme le rappelait Odile, la guerre de 14, à la fois dans les pratiques corporelles de la guerre, mais aussi dans une forme de démotivation, comme tu le disais. Il faut quand même nuancer aussi tout ça. Il y a une forme aussi de fascination. Enfin, on le voit bien chez Junger et chez d'autres. Bien sûr. Une fascination pour l'expérience paroxystique. Y compris d'ailleurs chez quelqu'un, c'est assez surprenant, chez quelqu'un comme Teilhard de Chardin, quand il parle de la nostalgie du front, je crois que le texte doit dater de 1917, ou 1916 ou 1917, c'est la nostalgie d'une, non pas du front en tant que tel, mais d'une expérience très forte, spirituellement, de communion avec d'autres combattants et d'une autre expérience, effectivement, que celle de la vie civile. Oui, il y a à la fois l'un et l'autre dans cette guerre de 14, mais progressivement, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le 20e siècle, eh bien, cette expérience héroïque va se réduire à quelques personnages qui vont petit à petit disparaître. Hervé Mazurel. Oui, enfin, je trouve que ce qu'a très bien vu Stéphane Rousseau, hein, cette bascule du corps redressé, du soldat du XIXe siècle, avec un corps recroquevillé, prostré parce que le mur de feu qui est en face ne permet plus ces attitudes-là. Et il y a un refuge de l'héroïsme dans les airs, dans la guerre des As. Ah bah, hein. Évidemment. L'héroïsme, voilà, Guilbert, Baron Rouge. Et donc il y a un nouveau chevalier. Donc la guerre épique, en quelque sorte, quitte le sol. Et gagne les airs. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Anaïs Kien. Odile Roinette, vous, dans votre contribution, vous parlez finalement de la fin, de ce mythe militaro-viril qui n'opérerait plus. On a la sensation qu'il rebondit quand même, malgré tout, régulièrement. Oui, je crois qu'il rebondit, en effet, en permanence. Il travaille les sociétés, même si, effectivement, on vient de le dire, ce mythe militaro-viril, hein, pour reprendre l'expression des historiens, a pris, je dirais, un coup quasi fatal pendant la Première Guerre mondiale, comme on vient de le dire. Mais il rebondit en permanence, et en particulier, l'armée constitue toujours, et l'expérience militaire, en temps de paix comme en temps de guerre, constitue toujours un des lieux de la construction d'une masculinité, avec aussi, je dirais, la tentative ou les contournements que les hommes eux-mêmes mettent et fabriquent pour constituer ou garder ou conserver des lieux exclusivement masculins à l'intérieur de lieux qui sont en train de devenir des lieux mixtes, hein, comme l'armée. Donc les unités d'élite, etc., qui sont des sortes de refuges de ce mythe militaro-viril et qui résistent, juste précisément, à cette déconstruction. Vous parlez notamment, pour donner un exemple peut-être, des unités d'élite de l'armée israélienne. Oui, alors effectivement, il y a en particulier dans l'armée israélienne, qui par ailleurs a Tzal, a la caractéristique, hein, depuis sa fondation, d'être une armée de conscription qui intègre à la fois les hommes et les femmes, mais les femmes ne sont absolument pas dans les mêmes unités, dans les mêmes fonctions, mais c'est un peu le cas dans toutes les armées du monde, et notamment dans ces armées-là. Et par exemple, dans les unités d'élite de l'armée de Tzal, qui travaillent en particulier dans les territoires occupés, dans des situations d'urgence, Ce sont des hommes, bien sûr, avec des niveaux d'entraînement absolument effrayants, par ailleurs. Ce que la guerre fait aux soldats, vous, vous y travaillez, Thomas Dottmann. On a bien vu, effectivement, qu'il y avait une évolution considérable au XXe siècle, avec en particulier la Première Guerre mondiale. Et vous donnez une contribution dans cet ouvrage collectif sur la question psychologique, pourrait-on dire, et de la lecture psychologique de ces, ces soldats qui sont soumis à un feu constant, en particulier pendant la Première Guerre mondiale. On peut dire aujourd'hui que, quand on s'intéresse à ces questions des ravages psychiques de la guerre, on peut remonter plus loin. On peut remonter, justement, puisque vous avez fait un livre qui n'est pas encore paru en français sur la nostalgie, on peut remonter à ces soldats du XVIIIe siècle qui voient naître, justement, cette question de la, l'éloignement du pays natal, les longues campagnes de guerre qui peuvent durer plusieurs années dans ce XVIIIe siècle, qui font qu'au bout du compte, il y a des ravages psychologiques d'abord liés à cet arrachement du pays natal et puis plus largement après les guerres napoléoniennes qui sont dues aussi à la folie des bombardements et de ce qu'on subit sur les champs de bataille. Tout à fait, c'est une question qui confronte l'historien à un dilemme entre qu'est-ce qui est historiquement spécifique, où sont les points de rupture et là où est-ce qu'on trouve des continuités étonnantes parfois. L'histoire des troubles psychiques des soldats, c'est une question de rupture importante. La nostalgie au XVIIIe, XIXe siècle, le shell shock au début du XXe siècle, le PTSD après avec la guerre du Vietnam. Le shell shock, on a appelé ça aussi l'obusite, l'obusite en français. Voilà. Et chaque pays avait sa version. C'est d'ailleurs un terme que les médecins vont très vite abandonner, mais qui a acquis une importance culturelle, politique, bien plus large et qui va finir par définir toute une époque au niveau du cinéma, au niveau des représentations de guerre, la littérature évidemment aussi. On peut dire la même chose aujourd'hui du PTSD. Syndrome post-traumatique. Alors, qui est remis en question évidemment aujourd'hui, mais qui a eu la vertu d'un côté d'ouvrir la porte à tout un tas de victimes de la guerre qui n'étaient pas reconnues, parce que le syndrome est le fruit d'une bataille portée par des vétérans du Vietnam qui n'avaient pas reconnaissance de leurs troubles psychiques. Donc c'est à la fois quelque chose qui ouvre l'accès à un traitement médical, mais qui pose une autre question, qui est une question que le livre essaye d'affronter, une question de la mondialisation de ces termes, de ces diagnostics qui, au final, restent très euro-atlantiques et qui posent des problèmes quand on essaye de les appliquer dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures. Bah parce que, tout simplement, ils sont établis sur des schémas, des habitudes, des critères qui ne sont pas valables ailleurs. Par exemple, je pense toute cette littérature-là médicale sur les traumatismes de guerre est basé sur une idée de traumatisme avec un fond freudien de abréaction nécessaire pour essayer de s'en sortir. Il faut faire sortir les émotions, il faut essayer d'en parler. C'est quelque chose qui ne marche tout simplement pas dans une société où le partage des émotions n'est pas perçu de la même façon que nous pouvons le percevoir nous. Bruno Kamen. Et où le statut de la victime est aussi très, très différent. On le voit très bien dans le cas des Ibakusha japonais, avec une catégorie, donc les survivants des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, une catégorie qui naît en 57, donc très tardivement après les bombardements, et qui en même temps lié à la difficulté à dire la notion de victime au Japon, à se reconnaître comme victime et à prendre une place dans une société, a fortiori pour un groupe qui est stigmatisé parce qu'il est considéré comme impur. Anaïs Kien. Oui, je reviens brièvement, Bruno Kamen, sur on parlait des civils, sur ce qu'est une vie de soldat. On a la sensation d'être relativement familier avec la vie des soldats du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, finalement, depuis 1945, les vies de soldats ont disparu. Les vies de soldats ont disparu parce que... On n'a plus d'idée de quelqu'un qui, professionnellement, décide de faire la guerre. Moi, ce qui me frappe, alors notamment aux États-Unis, c'est la très forte technicisation du métier de soldat. Le fait effectivement que c'est un métier qui s'est aussi beaucoup féminisé et l'isolement de plus en plus grand des soldats. La marginalisation des soldats dans les sociétés. Plus que ça, le fait que des hommes partent pour une période relativement courte et reviennent dans des espaces militarisés et isolés du reste de la société où ils n'ont plus aucun contact, ils vivent avec leur famille, plus aucun contact avec la vie civile. Donc ça pose un énorme problème, effectivement, de réintégration. On n'est pas du tout dans les phénomènes de démobilisation. Je pense que le terme même alors de démobilisation... Alors que les temps au combat sur les théâtres d'opération sont de plus en plus courts. Enfin, on est passé d'années entières, de plus en plus court, et l'autre, au 19e, je crois que, c'est, en tout cas pour la France, il me semble que c'est 3 mois maximum sur un théâtre d'opération. Et l'autre aspect, c'est aussi le fait que la proportion d'unités réellement combattantes dans les armées est devenue beaucoup plus faible par rapport à 1914. Et ça a des conséquences, dit Droit Net, parce qu'une société militarisée dans son quasi entier, ou une société militarisée à sa marge, pourrait-on dire, par un nombre de soldats professionnels très peu nombreux, très peu élevés, au bout du compte, ça n'est pas la même chose. Participer à la guerre quand on y va tous ensemble, ou participer à la guerre quand on est quelques-uns, ça n'est pas exactement la même chose quand on revient en particulier de ces temps de guerre. Bien sûr, là on a des ruptures importantes, notamment par rapport à cette Europe qui adopte cette Europe et aussi le monde américain qui adopte la conscription progressivement au 19e siècle ou face à la Première Guerre mondiale et qui d'une certaine façon, on voit bien par exemple en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale où on a une société qui était hors de la conscription avant 1916 et qui soudain adopte cette conscription avec cette diffusion finalement de la présence militaire un peu partout dans les villes, dans les campagnes, etc. Donc cette infusion en fait par l'armée du tissu urbain et même du tissu suburbain. Donc c'est ce que Bruno Cabanne disait tout à l'heure, cette séparation, cet enfermement aussi aujourd'hui, notamment on prend la France, on voit très peu les soldats. Ah, si, on les voit dans les gares avec l'opération Sentinelle. Alors effectivement, avec le contexte que nous connaissons aujourd'hui, effectivement, mais voilà, mais le XXe siècle et la professionnalisation ont changé les choses. Bruno Cabanne. L'autre élément qui a beaucoup changé, je crois, c'est, au moins pour les États-Unis, c'est le tour of duty, c'est-à-dire le fait de servir, comme vous le disiez, dans des périodes courtes, et donc avoir une fragmentation complète de l'expérience de guerre. Le symbole le plus net, je pense, de cette fragmentation, c'est le Vietnam Veterans Memorial de Washington et le coup de génie de Maya Lin, l'architecte de ce mémorial des vétérans du Vietnam, ça a été de concevoir son monument en mettant justement en scène cette fragmentation, en organisant les noms alphabétiquement, mais chronologiquement, pour que chacun se retrouve dans son tour of duty. Et c'est, je pense, un vrai tournant, effectivement, dans l'expérience de guerre. Thomas Donman. Oui, non, je voulais juste reprendre sur les formes de continuité de la guerre. On a peut-être plus, on sait plus trop bien la vie des soldats, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Mais la guerre est très présente, et notamment aux États-Unis, vu que j'y habite aussi. On a un article dans le livre sur la guerre de sécession, qui a gagné la guerre de sécession. C'est très loin, on est à 150 ans de la guerre de sécession. C'est d'ailleurs un des tournants au 19e siècle qu'on n'a pas mentionné avant, mais c'est le premier endroit où les soldats se couchent, où le corps redressé se couche, c'est le moment où la formule la guerre c'est 99% d'ennui, 1% d'horreur est forgée, donc c'est une guerre très importante. Et aujourd'hui, les répercussions aux États-Unis sont très importantes. Il y a moyen de dire qu'en fait, c'est le Sud qui a gagné la guerre de sécession. Trump en serait un résultat. Oui, un symptôme même. Un symptôme, tout à fait. Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir, ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà, où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi chargé d'hommes en gris, repeint en une nuit, pour partir en soldat? Pourquoi ce train de pluie? Pourquoi ce train de guerre? Pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Une autre chanson composée en pleine guerre d'Algérie par Jacques Brel en 1959, La Colombe, un titre qui a été longtemps censuré, en particulier sur notre radio de l'ORTF, sur nos radios de l'ORTF, mais pas simplement, un peu partout. On peut dire effectivement qu'une des questions, c'est pour nos auditeurs, c'est de s'intéresser à un ouvrage qui ne parle que de guerre dans un moment où on en parle peu, entre nous d'une certaine façon, pas à la fabrique de l'histoire, je vois Anaïs Kerr, mais dans la société d'une certaine façon, ça n'est pas un sujet de débat, et comme l'écrivait il y a maintenant une vingtaine d'années Annette Becker et Stefano D'Anrouzeau, qui dirigent un des chapitres de cet ouvrage, eh bien, il faut peut-être retrouver la guerre, et c'est ce à quoi sert justement Hervé Mazurel un ouvrage comme celui-ci. Oui, on retrouve en même temps une certaine situation, celle des guerres lointaines que le 19e siècle a connues, hein, des théâtres guerriers pour des soldats européens en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine à l'époque, et du coup des sociétés européennes a priori peu concernés. Qui en font l'expérience par les médias essentiellement. Essentiellement, oui, une expérience totalement médiatisée et du coup très distanciée, peu affectée, jusqu'à éventuellement l'émergence de scandales. Hein, c'est-à-dire voilà, des viols, comme il y a pu, des soupçons de viols comme il y a pu en avoir autour de l'armée française ou au 19e siècle, quand je pense à la colonne. Vous les chanoines ou des grands massacres liés voilà à la présence européenne dans les colonies, hein, mais voilà ce rapport que nous avons aux guerres lointaines, c'est quelque chose. On a essayé de tirer le fil 19e jusqu'à aujourd'hui, parce que on retrouve une situation que l'Europe a connue au 19e. Thomas Nodman. Je pense qu'un des avantages de la perspective historique qu'on offre dans le livre, c'est justement de pouvoir montrer les généalogies, les croisements, les échanges, les circulations. Donc la question de la guerre contre-insurrectionnelle aujourd'hui, les opérations contre le terrorisme, les small wars, c'est une question historique et qui permet de passer d'un champ, d'une bataille à une autre, d'une guerre à une autre, d'un domaine, d'un endroit à un autre. On part en arrière dans le temps, en Algérie, justement pendant la guerre d'Algérie, avec les opérations de contre-insurrection. On remonte un siècle avant avec la colonisation de l'Algérie, le croisement qui se fait entre l'armée française et les forces d'Abdel Kader sur les opérations, comment porter une guerre dans ce contexte colonial-là. Donc il y a vraiment moyen de retracer des pistes comme ça. Anaïs Kerr. Oui, Bruno Cabane, avec cette vague terroriste que l'on connaît depuis quelques années, on a la sensation peut-être d'une régression en termes de droit de la guerre. Par rapport au statut de l'ennemi, c'est-à-dire que nommer l'ennemi, lui donner des droits... Pas simplement du droit de la guerre, c'est beaucoup plus que ça. Je pense que du droit fondamental des sociétés, enfin, on le voit très bien aux États-Unis, des sociétés occidentales. Oui, c'est nommer l'ennemi, c'est aussi savoir effectivement quel traitement on doit lui réserver. Et réglementer la guerre, tout simplement. Et réglementer la guerre, dans une situation effectivement en plus où il y a... où la notion même de droit, enfin de jus ad bellum, de déclaration de guerre, est complètement caduque maintenant. Puisqu'on n'a plus cette grande institution de passer devant le Parlement pour déclarer la guerre, tout ça est fini. Donc effectivement, on est dans une forme de flou juridique complet. Et de régression du statut de l'adversaire, davantage que l'ennemi. Oui, absolument. Et on le voit, enfin, l'exemple le plus net, c'est par exemple Guantanamo, dont le président Obama n'a pas réussi du tout à régler. À fermer le lieu. Ce qui est fort intéressant, dans un livre avec une perspective anthropologique comme le vôtre, une histoire de la guerre au seuil, c'est, Odile Roinette, de comprendre, par exemple, ce que nous disait d'ailleurs l'écrivain Jean-Yves Joinet hier dans notre émission, qu'il y a des scénarios d'une certaine façon que chacun et chacune d'entre nous avons en tête lorsque la guerre se déclenche, des récits, des types d'attitudes qui ont été écrites et réécrites par des dizaines d'auteurs, soit des auteurs qui ont vécu la guerre, soit ceux ou celles qui l'ont rêvé ou cauchemardé, et que ces scénarios engagent l'imaginaire avant même d'engager les corps, dit Roinette. Oui, je crois que c'est très juste, c'est-à-dire qu'effectivement à chaque période, et notamment pendant ces 19e et 20e siècles, les hommes et les femmes d'ailleurs, les combattants et les civils, sont entrés dans la guerre, sont passés de la paix à la guerre. C'est aussi d'ailleurs un aspect important du livre que de travailler sur ces passages, on va y revenir peut-être. Les sorties de guerre en paix, particulier. Voilà. Mais ça marche dans les deux sens, entre paix et guerre, entre guerre et paix. Ces hommes et ces femmes entrent dans ces conflits avec des systèmes de représentation qui sont largement aussi tributaires des constructions culturelles, des récits justement des écrivains. On parlait, Hervé Mazurel parlait tout à l'heure de cette nostalgie des temps guerriers, mais regardez l'importance des Confessions d'un enfant du siècle de Musset dans cette révélation au fond de ce manque de gloire. Alors après, notre job en tant qu'historien, c'est de savoir quelle est justement la diffusion sociale de ce type de représentation, cette déperdition du désir de guerre et à l'inverse justement le besoin d'aller à la guerre. Qui cela concerne-t-il réellement dans notre Europe du 19e siècle ou dans le monde du 19e siècle ? Vous donnez quelques pistes dans votre contribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modèles de réussite sont aussi, moins dans l'héroïsation guerrière, mais dans la réussite sociale, dans ce genre de choses-là. Et c'est peut-être quand ces ascenseurs sociaux-là ne fonctionnent plus dans les sociétés, qu'évidemment, on cherche d'autres recours et peut-être qu'on se rappelle de la guerre à ce moment-là. Oui, et puis ça revient aussi à la question de la transformation aussi des processus et des modèles de la masculinité au cours du 19e et du 20e siècle, avec la substitution du mythe et de l'expérience guerrière à d'autres types de masculinité qui sont valorisés dans nos sociétés en temps de paix. Aujourd'hui, oui. Et on peut dire, Hervé Mazurel, que l'avantage d'un travail à la fois sur deux siècles, mais aussi sur un grand espace géographique, pourrait-on dire, comme celui-ci, c'est de voir les rebonds, pourrait-on dire, comment l'expérience napoléonienne peut avoir des liens avec la conquête de l'Algérie en 1830, comment l'expérience de Crimée peut avoir des liens avec des expériences postérieures, comment 1870 ou 1914 est déjà un peu dans 1870, etc., etc. Oui, c'est ce qui nous a... On a essayé de travailler sur la mémoire longue des conflits et la façon dont certains s'enchaînent de façon... Mais d'ailleurs, pas seulement en France, pendant les guerres balkaniques dans le monde des Balkans, les rebonds entre les guerres de 1912-1913, 41-45, puis en ex-Yougoslavie, en 91-94. Ces guerres-là, il faut les penser ensemble, en quelque sorte, parce que voilà, c'est une histoire de longue mémoire. Et puis, vous prenez l'exemple des guerres napoléoniennes. Tout ce mythe épique qu'on retrouve en 1870, cette guerre, il y a une nostalgie de l'épopée napoléonienne qu'on retrouve jusqu'en 14, quand les Français partent au combat avec le pantalon rouge Garance, on espère garder quelque chose de l'uniforme napoléonien. Et puis, on se rend vite compte qu'il faut des uniformes. C'est la fin de la splendeur, voilà, uniformologique. Oui, Bruno Cabanne. Non, mais cette mémoire longue, c'est aussi un travail passionnant, je pense, sur les chronologies, sur les emboîtements de conflits. Tu parlais effectivement des guerres balkaniques, mais on peut poser exactement la même question pour la Deuxième Guerre mondiale. La grande différence entre la manière dont la guerre de la Deuxième Guerre mondiale se termine en Europe et en Asie. On peut très bien imaginer que Comment elle commence, absolument. 31-37, et puis après 40-45, mais 49 aussi, ou plus tard. Oui, Thomas Dodman, ça fait partie effectivement des apports d'une histoire connectée, d'une histoire mondiale, que justement de relativiser les dates qui sont les dates traditionnelles et que l'on apprend dans notre enseignement secondaire, en particulier de nos guerres, pour montrer que, par exemple, dans les Balkans, qui était cité par Hervé Mazurel tout à l'heure, eh bien, la guerre commence en 1912, se termine en 1922, par exemple pour les Grecs ou les Ottomans. Ça fait 10 ans de guerre, là, pour nous, a priori, même si on sait, avec l'exposition qui vient d'ouvrir au musée de l'armée, dirigée par John Horn, cette exposition sur la guerre à l'Est, qu'elle continue quand même plus d'une année, même 2 ans, dans les territoires orientaux de l'Europe. Oui, c'est une question que nous nous sommes posées, que se posent les historiens aujourd'hui. Est-ce qu'il faut encore séparer Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'il ne faut pas parler d'une guerre de 30 ans, comme on parle d'une guerre de 100 ans dans le Moyen-Âge, sans vraiment trop savoir qu'est-ce que ça veut dire? Parce que qu'est-ce que c'est une guerre qui dure 100 ans? Je pense que le point principal là est vraiment d'essayer de décentrer le regard, d'adopter une perspective autre qui est la nôtre, de voir la Première Guerre mondiale pas seulement sur le front de l'Ouest, mais aussi sur le front de l'Est, de voir que la guerre du Vietnam au Vietnam ne s'appelle pas la guerre du Vietnam, mais elle s'appelle la guerre américaine. Et donc déjà, il y a un changement de perspective très important à adopter, que le livre essaye d'adopter. Hervé Mazurel ? Oui, non, ce que je trouve assez fascinant, c'est comment les Japonais perçoivent la Seconde Guerre mondiale quand ils l'aperçoivent depuis 1931 jusqu'à 1945. Pour eux, ça commence avec l'invasion de la Mandchourie. Ils ont ce qu'ils appellent la guerre de 15 ans. Ça, déjà, ça nous décentre beaucoup. Et en fait, ces jeux sur les chronologies nous permettent de revisiter, finalement, ces guerres qui nous semblent connues, trop connues, en quelque sorte. Et juste jouer là-dessus, c'est les Chinois pour qui la Seconde Guerre mondiale termine en 49, en 53 pour les Coréens. Sans doute que les Vietnamiens vivent la fin de la Seconde Guerre mondiale en 75. Non seulement les jeux sur la chronologie, mais aussi sur les espaces. Le fait d'appeler la guerre Asie-Pacifique, c'est aussi une autre manière, naturellement, d'écrire cette histoire. Une autre des questions qu'on peut se poser en vous lisant et qui m'est venu, peut-être parce que ça m'obsède un petit peu, c'est d'essayer de se dire que dans nos sociétés qui se veulent en paix, dit Loinette, il y a, par l'immigration que nous connaissons, par l'arrivée de gens qui fuient les guerres, il y a plusieurs régimes de rapport à la guerre. C'est-à-dire qu'on peut croiser des gens dans nos villes, dans nos campagnes ou ailleurs, qui ont des expériences vécues de guerre, qui ne sont évidemment pas les nôtres. Et cela fait quelque chose, peut-être, dans des sociétés où on tait justement ces expériences de guerre parce qu'on ne veut pas les voir. C'est la même chose dans des grands pays d'immigration que peuvent être aussi les États-Unis. C'est juste sur les campus américains. D'avoir des étudiants qui ont une expérience de guerre, c'est quelque chose d'assez fréquent. Odile Rouanet. Oui, c'est-à-dire que ce sont ces décalages. Au fond, là, en vous écoutant, il y a toute une réflexion à mener sur cette question des décalages, c'est-à-dire ces expériences différentes de la guerre. Je pense aussi aux prisonniers, parce que les prisonniers de guerre, eux, ils ne vivent pas dans la même temporalité. Ils reviennent souvent après. Si je prends l'exemple, par exemple, des prisonniers de guerre de la guerre 70-71, un certain nombre d'entre eux reviennent en 71-72 et pour les derniers en 73. De même, les survivants des camps de concentration ne reviennent pas en 1945 au même moment. Donc, ces décalages-là sont importants et inversement, effectivement, ces expériences de guerre dans nos sociétés en paix, avec, vous avez raison, cette perception aussi, parfois ces formes de rejet que nous, j'allais dire tranquillement installés dans la paix ou dans une fiction de paix, nous pouvons avoir face à des gens qui, eux, sont en décalage et qui ont un vécu et des expériences traumatiques qui, par ailleurs, font rejet dans notre société de temps de paix. Hein, donc, ces emboîtements sont complexes. Anaïs Quin. Et puis, la paix, c'est toujours l'imminence de la guerre, d'une certaine façon. Bruno Cabane, nous qui sommes dans ces pays, justement, de paix, nous réfléchissons bien souvent à élaborer des outils pour observer les moments où la guerre peut intervenir, les zones sensibles, les horloges du destin qu'on a vu apparaître pendant la guerre froide ou certains protocoles de surveillance, je crois aussi norvégien qui proposait des solutions contre les guerres, des solutions absolues. Pas véritablement des solutions contre les guerres, mais effectivement, il y a une forme de modélisation de la guerre. Pour les jubilés, en tout cas. Voilà, il y a une modélisation de la guerre, et c'est peut-être d'ailleurs le grand hiatus entre une approche, j'allais dire, des sciences politiques, à laquelle moi je suis pas du tout, enfin, autour de cette table, je pense qu'on n'est pas tout à fait en accord avec ce type d'approche, qui modélise tout, ce qu'on montre très bien, effectivement, à travers ce livre. C'est aussi la complexité humaine et tous les niveaux d'analyse d'un objet aussi complexe que la guerre. Voilà, ce livre s'intitule « Une histoire de la guerre ». Vous êtes quatre auteurs, directeurs, co-directeurs de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Je mentionne également un livre qui vient de sortir sur une guerre coloniale. C'est aux éditions Créafis, « Réveiller l'archive d'une guerre coloniale » autour des photographies d'un correspondant de guerre pendant une guerre dont vous parlez un petit peu, la guerre italo-turque pour la Libye en 1911-1912. Demain, Anaïs, pour terminer cette série d'émissions, eh bien, un documentaire que vous avez conçu avec Séverine Cassard. Oui, tout à fait, sur comment l'histoire des guerres de Tchétchénie, puisqu'il y en a plusieurs, permet à certains spécialistes, je suis allée voir un militaire, un historien, une anthropologue, une journaliste, une reporter de guerre aussi, comment cette guerre en Tchétchénie, très très oubliée à l'heure actuelle, permet peut-être de penser les guerres auxquelles nous assistons aujourd'hui, notamment au Moyen-Orient. À l'étranger, nette aggravation dans la crise tchétchène. Tout espoir d'une solution négociée semble désormais définitivement envolé. Des avions russes ont en effet bombardé à 4 reprises en fin d'après-midi le centre de Grozny, la capitale tchétchène, qui, selon le Kremlin, devrait être totalement encerclé par les blindés russes dès ce soir. Jérôme Bonny. Ce soir, la petite république tchétchène est bouclée par l'armée russe. L'étau se resserre sur la capitale, Grozny, qui pour la première fois depuis le début de l'intervention militaire vient d'être bombardée à 4 reprises en fin d'après-midi. 23 000 paras et quelques 300 blindés contre 3 000 combattants indépendantistes. Le combat est inégal. Pour défendre la capitale tchétchène, une armée sous-équipée et quelques volontaires qui ont la responsabilité de 350 000 habitants, souvent privés de chauffage et d'électricité. Des cavaliers contre les blindés de Moscou, mais avec cet esprit de résistance qui a déjà tenu tête au tsar, puis à Staline. On a ici affaire à des types d'images qui sont beaucoup plus diversifiées que pour tous les autres conflits qu'on avait vus jusqu'ici. On a à la fois des images de combats qu'on avait déjà, des images de ces colonnes de blindés qui prennent feu, des images de combattants qui s'infiltrent ou s'exfiltrent, des images comme ça, on en avait, mais on n'en avait quand même jamais d'aussi près. Ces images de colonnes de combattants qui sont en train de s'exfiltrer de bâtiments en flammes, moi j'avoue que je n'en avais jamais vu avant de voir ces images de Grozny. Ça, c'est une première chose. Et en second lieu, là je pense que véritablement c'est nouveau, on a des images de subjectivité en guerre. Voilà, c'est donc demain pour conclure cette série sur l'histoire de la guerre et plutôt l'héritage de nos guerres, ce documentaire d'Anaïs Quin et de Séverine Cassard sur la Tchétchénie, les leçons d'une guerre. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marsay et Céline Leclerc. Bruno Gagnard-Fontanier était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également l'y télécharger. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.